OK. Je t'avais dit. Des fois je bouge tout seul dans la night. J'fais le point sur ma life. De la bœuf à Marlboro Light. La tête sur les jambes de ma wife. Aquarium calé à l'arrière. J'écoute les boîtes de CDR. Du sur mon assiette de palourde. Filtre à brico, elle m'appelle Henno. Tu l'as demandé la mano. Mano, la tête vient de la montagne. Tana, la mairie vers le Prado. Prado, tous sont tant que Gabbana. Habana, tu l'as demandé la mano. Elle veut la pop et du bitan et qu'ils sont bandits crush. Elle veut que ça, bandit crush. Elle a connu que ça, bandit crush. Elle pète les plombs quand tu raccroches, quand tu ne fais ça approche. Elle veut la pop et du bitan et qu'ils sont bandits crush. Ni un mal, on n'est plus adolescent. Elle me fait son intéressante. Et qu'on sent beaucoup, ça part dans tous les sens. J'ai pris la gourmette pour fêter sa naissance. Sans les enfants, la vie elle a plus de sens. Je me suis calé, ouais poteau c'est récent. Il faut multiplier les billets fluorescents. Je suis dans le rétro, t'as pas mis le bouchon d'essence. Tu l'as demandé la mano, mano. La tête vient de la montagne. Tana, la mairie vers le Prado. Prado, tout le son dans chez Gabbana. Habana, tu l'as demandé la mano. Mano, la tête vient de la montagne. Tana, la mairie vers le Prado. Prado, tout le son dans chez Gabbana. Elle veut la pep et du bitan et qu'ils sont bandits crush. Elle veut que ça, bandit crush. Elle a connu que ça, bandit crush. Elle pète les plombs quand tu raccroches, quand tu ne fais ça approche. Elle veut la pep et du bitan et qu'ils sont bandits crush.